Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des dictatures. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission sur le coup d'État manqué du 23 février 1981 en Espagne. Dans notre série sur l'histoire des dictatures, nous avons parlé de l'influence des idées fascistes dans l'Espagne des années 20, puis c'était lundi, puis hier, de la mémoire de la dictature brésilienne. Et avant demain de nous intéresser aux relations entre dictature et démographie au XXe siècle, nous allons ce matin faire l'anatomie d'un instant, comme l'a titré le romancier Javier Cercas. Et cet instant, c'est celui du coup d'État raté du lieutenant-colonel Terrero en février 1981 en Espagne, avec Anaïs Quien qui a préparé cette émission avec nous. Nous recevons le cinéaste Andreas Fontana, réalisateur d'une fiction de 27 minutes, Pedro M. 1981, sur le caméraman qui, dans les Cortés de 1981, a continué à filmer alors que les putschistes lui avaient interdit. Mathieu Trouvé est également avec nous. Il est maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux, auteur d'une thèse sur les rapports de l'Espagne à l'Europe, publiée chez Peter Lang, et de nombreux articles sur la culture du conflit dans la politique espagnole. Et également avec nous, Sophie Babi, elle est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est auteur d'une thèse sur le mythe de la transition pacifique en Espagne, publié à Casa de Velázquez. À 18h20 hier soir, les 350 députés des Cortés procèdent à l'élection du nouveau Premier ministre. Soudain, des heurts dans les couloirs, les députés vont se lever et à partir de là, tout va très vite. Regardez et surtout, écoutez. Cet homme, pistolet au poing, est le colonel Terrero, 49 ans, chef de la garde civile, activiste de droite qui, pour la deuxième fois de sa carrière, tente un coup d'État. Dans l'Assemblée, c'est la surprise générale. Il intime aux députés l'ordre de se coucher. Les députés, baignés dans l'ambiance du terrorisme basque, ne croient pas encore au putsch. Ils hésitent, mais à la porte, 150 gardes civils, mitraillettes à la hanche, vont pénétrer. Des hommes qui diront plus tard avoir été trompés sur la mission de leur chef. Assis à l'extrême du banc, l'ancien chef du gouvernement, Adolfo Suarez, va tenter de s'interposer. Puis un autre homme, regardez-le, le général Milardo, il va être brutalisé par les putschistes qui vont même lui porter un pistolet à la tempe. Pendant 17 heures, les députés vont ainsi rester couchés à terre, littéralement pris en otage. Au même moment, l'armée régulière prend position autour du bâtiment et à 20 heures, l'état d'urgence est décrété. L'armée consignée dans ses casernes, sauf à Valence, où le général Bosch a décrété l'état d'exception, cet homme serait à l'origine du coup d'éclat. Au ministère de l'Intérieur, un cabinet de crise est réuni et à 1h du matin, en grand uniforme de commandant en chef des armées, le roi va prendre la parole à la télévision. Il donne l'ordre aux autorités civiles et militaires de rétablir l'ordre constitutionnel. La permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español déterminó en su día a través de referéndum. 4 heures, on apprend que le putschiste veut rétablir une junte militaire et dissoudre le Parlement. Dans tout le pays, la situation est calme. Les gouverneurs ont apporté leur soutien au roi. L'armée ne suit pas la tentative de coup d'État. Voilà donc pour cette archive de 1981. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour, et c'était une archive du 24 février, le lendemain donc de la télévision française. Alors, vous avez souhaité que pour cette émission, nous mélangions histoire et fiction d'une certaine façon, et nous allons peut-être commencer par la fiction. On vient d'entendre l'archive, et cette archive a servi d'une façon ou d'une autre à notre premier invité, Andreas Fontana. Vous nous le présentez ? Oui, donc Andreas Fontana a réalisé ce film dont on va entendre un petit extrait assez rapidement, qui avait pour objet au départ, à l'origine, de partir à la recherche de Pedro Martín, l'opérateur donc dont il était question dans Le Chapeau d'Emmanuel Laurentin, qui a continué à filmer pendant l'Assemblée ce coup d'État et qui a permis aussi qu'on garde cette mémoire, cette archive fondamentale de cet événement du 23 février, puisque c'est le seul caméraman qui a continué à filmer malgré l'entrée de Terrero et des gardes civils dans ce palais des Cortés, Andrés Fontana. Et puis votre projet a un petit peu changé, mais peut-être qu'on peut écouter cet extrait. Alors, extrait doublé pour l'occasion par la fabrique de l'équipe de l'histoire. L'équipe de la fabrique c'est hollywoodien aujourd'hui. On écoute cet extrait de votre film et on en discute ensuite avec vous. Pedro, comment vous avez dit? Pedro Martín. Celui qui a filmé les images du coup d'État de 1981, le 23F. Je sais que la nuit du 23F, il y avait une équipe de télévision espagnole qui a tout filmé. Mais ça ne me dit rien, Martín. Buenas tardes, señor. Sí, ya no las puedo ni ver, esas Je ne peux plus les supporter, ces images. Par contre, je les connais par cœur maintenant que vous me le dites. Je me souviens de cette lumière étrange de télévision ancienne. Ce type-là, Terrero, il entre, il hurle, il tire partout, tout le monde se jette par terre et un cauchemar. Mon père, pour moi, era un desconocido. C'était un inconnu. Un extranjero. Un étranger. Un camarógrafo de la televisión española. Un caméraman de la télévision espagnole. Pedro Martín. Esas imágenes del 23F son lo único que tengo de él. Ces images du coup d'État du 23 février, c'est tout ce que j'ai de lui. Il appartenait à ce qu'on appelait la vieille garde. Eran unas personas que habían entrado en televisión por ser afines. C'était des gens qui étaient rentrés à la télévision grâce à un piston du régime. Mon père? Sí, su padre pertenecía a esa clase de hombres. Votre père appartenait à ces gens-là, ouais. Así usted lo menospreciaba. Vous le méprisiez? No se trata de menospreciar, pero. Il ne s'agit pas de mépris, mais. Técnicamente no eran nada. Creíamos que nosotros teníamos más valor técnicamente que ellos. Techniquement, c'était des moins que rien. Yo estaba en el balcón de la prensa. J'étais sur le balcon de la presse. Cerca estaba Pedro, su padre, con su cámara. Pas loin, il y avait Pedro, votre père, avec sa caméra. En un momento dado, escuchamos unos ruidos. À un moment donné, no. Nous avons entendu des bruits. Don Manuel Núñez en Cabo. Miré y vi a Tejero. ¿Qué pasa? No. Y a sus guardias civiles que entraron vociferando, dando gritos. En me penchant, j'ai vu Terrero et ses gardes civils entrer, crier, vociférer. ¡Quieto todo el mundo! Pas un geste, tout le monde à terre. À terre. Asseyez-vous, bordel. Yo corrí y me tiré al suelo. Moi j'ai couru Et je me suis jeté par terre. Momento, levanté la cabeza, après un certain temps, j'ai levé la tête. El caos que se había producido ahí en el hemiciclo. J'ai découvert le chaos qui régnait dans l'hémicycle. Tout le monde était par terre. Les députés sous leur siège. J'ai regardé. Los guardias civiles estaban rojos. Les gardes civils étaient tout rouges, comme ivres. Se acercaron a la cámara de flores y de arias. La rompieron a culatazos. Ils se sont approchés de Flores et de Arias et ils ont défoncé leur caméra à coups de crosse. Y luego se acercaron a la cámara de su padre. Et puis ils se sont approchés de la caméra de votre père. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Touche pas la caméra ou je te tue. Chúpalo. Débranche ça. Je ne veux plus voir d'image. Pero vi a Pedro. Mais j'ai vu Pedro. De pie, delante de su cámara. Debout, derrière sa caméra. Luego me contaron la suite, que había apagado el brillo y el contraste de su cámara. On m'a dit qu'il avait réussi à couper la luminosité et le contraste de son écran. Para que los guardias civiles no viesen la imagen. Pour que les gardes civils ne voient pas les images qu'il enregistrait. Voilà donc un extrait de votre film, Andreas Fontana, Pedro M. 1981, un film de 27 minutes. Ça fait drôle d'écouter son film et de ne pas le voir. Surtout doublé, je suis assez fan. Pour l'occasion. Non, je trouve ça bien. Alors, Anaïs Quin, vous avez voulu partir de cette idée qu'on pouvait, alors que votre film a été présenté dans un festival de documentaires à Lussas, faire de la fiction à partir de ce moment-là. Oui, mais d'ailleurs, je crois que c'est votre intérêt pour Pedro Martín, au départ, qui a généré ce film, qui n'est pas un documentaire. D'ailleurs, au départ, on se demande un petit peu ce qu'on est en train de regarder, Andreas Fontana. Tout ce film a tous les atours d'un documentaire. Et puis finalement, il y a quelques indices qui nous font dire qu'on est en train de regarder autre chose. Mais il y a quand même cet intérêt pour Pedro Martín et pour les images qu'il a filmées pendant ce coup d'État. Donc là, on vient d'entendre deux versions de cette archive, une version commentaire par la télévision française et cette version que vous proposez dans votre film, Andreas Fontana. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, j'imagine, d'abord à ces images et ensuite à celui qui les avait filmées? Disons que j'ai commencé effectivement par m'intéresser aux images. En réalité, c'était aussi à la base de la lecture du livre de Javier Cercas. Anatomie d'un instant, publié chez Actes Sud. Exactement. Qui raconte aussi cette tentative de coup d'État, s'intéresse à cette tentative de coup d'État. Alors il y a une analyse assez forte, de ce qui a préparé le coup d'État, mais aussi des images de ce coup d'État. Il y a quelque chose dont il n'a pas parlé, en revanche, c'est la fabrication de ces images. Et moi, quand j'ai découvert ces images, disons après la stupeur provoquée par ces images, je me suis intéressé effectivement à cet aspect-là de la construction de ces images. Effectivement, en recherchant un petit peu sur cette question-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de symétrie intéressante, puisque dans le livre donc Cercas parle, on va dire, beaucoup du geste de ces parlementaires, ces trois parlementaires qui ceux qui ne s'allongent pas par terre et qui tentent de résister justement à ce coup d'État. Voilà, cette espèce de geste que certains attribuent au courage ou à la résistance. Et en fait, en recherchant cette question-là de la fabrication des images, je me suis rendu compte que l'un des caméramans, parce que c'est un peu plus compliqué qu'il n'était pas seul, faut dire, l'un des caméramans a également, disons, fait preuve je ne sais pas si c'est d'un courage, on peut y revenir après, mais en tout cas, il a aussi fait un geste qui a permis l'existence de ces images. Il a refusé donc d'obéir à ces putschistes qui demandaient justement à ce qu'on ne filme plus ce qui est en train de se passer dans cet hémicycle des Cortés. Exactement. Et donc, à partir de là, vous partez sur la piste de ce caméraman, il est mort, vous ne pouvez pas l'interviewer. Quand on est documentariste, on aime bien avoir les témoins, là, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, vous imaginez un autre chemin peut-être pour votre film, ou c'est cela ? Alors disons que je savais assez bien ce que je voulais dire, c'est-à-dire ce qui m'intéressait c'était la question du geste, et en fait plutôt dans l'intimité du geste, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité d'un geste comme celui-ci, c'est quand même pas un geste anodin. Par contre je savais pas exactement comment le dire, et c'est vrai qu'en faisant notamment cette recherche, qui était très longue quand même, 2 ans pour un 27 minutes c'est peu rentable on va dire. Puis 2 ans pour s'assurer que finalement vous n'alliez rien trouver sur ce personnage réel. Assez vite je me suis rendu compte de 2 choses assez vite. La première chose c'est que donc j'ai rencontré énormément de monde de manière assez systématique, mais uniquement dans la partie du milieu professionnel dans lequel il travaillait, donc l'image et enfin essentiellement la télévision. Assez vite je me suis rendu compte que c'était, donc moi j'étais un peu la dernière personne qui s'intéressait à lui. Mais que donc rapidement j'étais devenu le spécialiste de Pedro Martín, mais qu'en même temps je savais presque rien. Pourquoi ? Parce que ce caméraman avait, disons, presque consciencieusement fait en sorte qu'on ne sache rien sur lui, et les traces qu'il aurait pu laisser n'existaient pas. Donc ces traces, il faut les réinventer. Donc d'une certaine manière, ces traces, cette espèce de trou béant qui est un peu face à moi, oui, je pense qu'il faut la réinventer. Ça veut dire aussi que ce moment du 23 février, 23 effet, comme on dit en Espagne, ce moment-là est un moment qui est un bon moment. Un bon réservoir de fiction, pourrait-on dire, d'une certaine façon, puisque Cercas, vous l'avez cité, l'utilise pour Anatomie d'un instant, même si c'est un roman d'un style très particulier, c'est presque une enquête historique et journalistique que fait Cercas avec ce livre, et vous l'utilisez, vous aussi, d'une autre manière, justement, comme réservoir à fiction. Bon, alors, je sais pas si on peut faire le parallèle immédiat entre le livre de Cercas et le mien, même si, effectivement, j'avoue qu'il y a aussi une réponse indirecte de ma part au livre de Cercas, comme une sorte de liens un peu secrets ou impertinents avec ce livre. Je pense que le rapport à la fiction, il est assez fort, mais c'est aussi la tentation de fiction dont parle Cercas qui, à mon avis, peut-être à 2 facteurs principaux. Le premier, c'est ces images qui sont assez théâtrales. D'ailleurs, l'hémicycle fait toujours penser à un lieu de théâtre. Et puis, l'autre... Oui, parce qu'on voit Terrero arriver avec ce fameux chapeau des gardes civils. De bicorne. Le tricorne qui rappelle quand même, qui nous rappelle à nous Français essentiellement le gendarme de Guignol. Donc c'est vrai que quand on redécouvre ces images aujourd'hui, lorsqu'on ne les a pas vues à l'époque, on se demande si c'est du lard ou du cochon finalement. Mais il y a même ça c'est une histoire connue. Après je reviens sur l'histoire. Mmh. C'est un journaliste suédois au moment où il a vu les images, donc en 81, qui s'est dit, qui a dit à la télévision espagnole, tiens mais pourquoi est-ce qu'il y a un torero qui rentre? Donc oui, un côté théâtral, voire même un peu burlesque, mais qui n'est pas du tout burlesque à ce moment-là quand même. Oui. Dire. Et puis l'autre raison pour laquelle j'ai l'impression qu'il y a une tentation de fiction, c'est aussi, mais ça je pense que c'est l'historien qui pourra en parler mieux, c'est que les archives sont pour l'instant ne peuvent pas être consultées. Bon, elles sont secrètes. Même les procès-verbaux des procès, ou les procès-verbaux des conversations téléphoniques qui ont eu lieu pendant la soirée. Les négociations avec les putschistes et avec ceux qui étaient censés les soutenir en dehors du Parlement lui-même. Voilà. Donc cette espèce d'absence de sources, on va dire, écrites, j'entends bien écrites parce qu'il y a beaucoup de sources orales, ce qui est assez différent. Donc il y a une tentation de fiction à ce niveau-là. Et c'est vrai que la question de la source orale, par contre, moi en rencontrant beaucoup de témoins de ces soirées-là, je me suis intéressé à cette idée-là de la source orale qui est un peu défaillante. Alors, vous insistez dans des interviews que vous avez données à l'occasion de la promotion dans divers festivals de votre film, Andreas Fontana, vous insistez sur le fait que ce qui est difficile pour un cinéaste, c'est qu'on n'est pas présent au moment des événements. Et vous dites, en fait, quand on parle du passé, quand on veut filmer le passé, on a une difficulté, on doit recourir aux archives ou, d'une certaine façon, à réinventer ses archives. Vous expliquez aussi comment... ces films de famille qui sont diffusés dans votre film et qui sont censés être les films de famille, d'amis de Pedro Martín, eh bien, ce sont des choses que vous avez retrouvées sur le marché Opus du Rastro à Madrid, et qu'au bout du compte, d'une certaine façon, c'est assez proche de la tentative qu'avait faite dans les années 70 Orson Welles, qui s'appelait, dans un film qui s'appelait F for Fake, où il réinventait des archives autour d'une histoire d'amour de Picasso. Oui, disons que le fait de filmer le passé, c'est vrai que ça pose un problème de représentation, puisqu'effectivement, moi, j'étais pas là à ce moment-là. Raconter le passé avec le cinéma, c'est... Personnellement, j'ai l'impression que c'est une tentative difficile puisque c'est plus proche de la narration que de on va dire, de l'exhaustivité des faits. Et en ce qui me concerne, on essaye, on va dire, de trouver des façons de se réapproprier cette démarche. Je dois avouer que, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout de prétention historique ou didactique par rapport à ce film. C'est vraiment une réappropriation. Mais d'ailleurs très intime, puisque vous en faites une histoire très intime. Vous créez ce personnage de cette fille de fiction de Pedro Martín qui partirait à la recherche de ce père, et les témoignages que vous proposez aussi, alors en partie réel et en partie de fiction, racontent cette histoire vraiment d'un point de vue intime et du point de vue de l'expérience de vie qu'était ce monde de la télévision espagnole, de la transition. D'ailleurs, on entendait bien dans l'extrait qu'on a diffusé à quel point il y avait des luttes entre les générations de techniciens au sein de la télévision publique espagnole, puisque le témoin qu'on entendait, un des opérateurs qui raconte ce qui aurait pu se passer ce jour du 23 février pour les caméramans, dit que lui est de la jeune génération et raconte à quel point il y avait des frictions entre sa génération, cette nouvelle génération de la transition, de la démocratie, et cette génération de techniciens qui étaient entrés sous la dictature. Donc c'est finalement ces ingénieurs de l'image réac et contre lesquels il fallait peut-être lutter dans cette institution médiatique publique. Oui, disons que ce que je me suis rendu compte, ce dont je me sentais capable plutôt, c'est d'essayer de traduire cette espèce d'atmosphère ou cette sensation de ce moment-là. Et dans mon enquête que j'ai faite, je dois aussi rendre justice à cette enquête, avec Thierry Maurice, qui est un historien qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Espagne et les ruses mémorielles », donc c'est sa thèse de doctorat. Je me suis aussi rendu compte que cette question-là de conflit de génération, bien sûr, dans le microcosme de la télévision, elle avait aussi lieu très fort. Et par exemple, je vous donne un exemple, l'un des caméramans du coup d'État, donc ils étaient quatre, l'un des caméramans du coup d'État s'appelait Carlos Arias, et Carlos Arias, donc c'était le neveu de Carlos Arias Navarro, qui était donc un des premiers ministres de Franco, celui qui a d'ailleurs annoncé la mort de Franco. Mmh. Donc ces gens-là, la plupart de cette génération sont arrivés dans le milieu de la télévision par les contacts, donc une affiliation indirecte au régime, en tout cas oui, c'est ça. Et donc, votre film se considère comme une recréation? Vous l'imaginez quoi? Comme une recréation d'archives? Parce qu'en fait, vous brouillez les pistes, au bout du compte, ceux qui le verront et qui n'auront pas écouté cette émission ou certaines de vos interviews pourraient presque le prendre pour argent comptant. C'est ce que vous cherchiez à faire, ce mélange, ce trouble, pourrait-on dire, entre fiction et histoire, entre réalité et vérité historique supposée et vérité du cinéma? Moi je trouve que l'ambiguïté est assez intéressante. C'est mon frère qui me dit, mon frère est historien, donc il est en train de finir une thèse en doctorat sur l'enquête pénale avec Michel Poré, que vous connaissez. Bien sûr, le professeur à l'université de Genève. Voilà. Mon frère me disait justement, en fait, tu réalises un fantasme d'historien. Me dit-il, l'historien s'arrête quand les sources s'arrêtent aussi. Tandis que toi, tu fonces, là justement il y a des trous et tu les réinvestis par l'imaginaire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être complémentaire, même si l'un et l'autre, disons, n'ont pas du tout la même vocation. Et c'est vrai que par rapport à cette question de vérité ou mensonge, etc., je ne sais pas si je suis habilité à vraiment parler de ça, mais il y a quelque chose de l'ambiguïté qui m'intéresse, ouais. Merci. Votre film s'appelle Pedro M. 1981. On peut le voir bientôt, d'ailleurs, en région parisienne. Oui, le 22 février aux Ateliers Varan. 22 janvier. Le 22 janvier aux Ateliers Varan et le 5 février à la librairie L'Atelier dans le 20e. Restez avec nous, Andreas Fontana. Nous continuons cette émission autour du coup d'État raté du 23 février 1981 avec nos deux autres invités, Mathieu Trouvé et Sophie Babi. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Sophie Babi, bonjour. Vous avez écouté ce que nous disait Andreas Fontana de son travail. Est-ce que ça vous fait envie, en tant qu'historienne, justement, de pouvoir passer la frontière vers la fiction? Oui, bonjour. Oui, tout à fait, ça nous fait totalement envie. Le gros travail de l'historien, c'est précisément de chercher ses sources, et le fantasme de l'historien est de trouver la source idéale. Et en entamant une recherche scientifique, tout historien se rend compte que la source idéale n'existe pas, et jamais, et qu'il faut au contraire composer avec ses absences, avec ses trous dans les traces pour créer ses propres traces. Oui, mais justement, la plupart du temps, l'historien ne comble pas le trou, parce qu'il a du mal à le faire en tout cas. Une sorte d'éthique professionnelle l'empêche d'aller jusque-là. En tout cas, il ne le comble pas par le biais de la fiction, ça c'est certain. Mathieu Trouvé, vous êtes d'accord avec cette approche? Oui, ce qui est fantastique, c'est qu'on a là un scénario absolument hitchcockien. On a tous les acteurs qui sont réunis, on a tout le pouvoir exécutif, tout le pouvoir législatif qui est présent, il y a le roi qui intervient, donc c'est un scénario de fiction, et pour l'historien, c'est absolument fantastique. Par contre, c'est vrai que l'historien est toujours frustré quand il n'a pas accès aux sources primaires, mais on les comble par le biais notamment des sources orales, par les sources audiovisuelles de manière générale, et aussi on peut avoir accès aussi à des sources de l'étranger, le regard de l'étranger sur ce coup d'État, et finalement c'est un petit peu aussi ça qui est l'objet d'un grand intérêt. Anaïs Kien. Oui, et c'est d'ailleurs cette intervention du roi Juan Carlos qui va mettre fin à ce coup d'État qui est une des dernières tentatives de coup d'État, une des dernières tentations putschistes de l'histoire contemporaine de l'Espagne, Mathieu Trouvé. Oui, c'est vrai que les militaires sont intervenus dans la vie politique contemporaine espagnole de très nombreuses reprises, au cours du 19e siècle, au cours du 20e, évidemment il y a la guerre civile aussi. Alors il faut voir quand même que pendant la période franquiste, les militaires se sont un petit peu éloignés des affaires politiques, peu à peu, jusqu'en 43-44, les militaires... Paradoxalement, puisque le chef d'État est un militaire. Tout à fait. Jusqu'en 43-44, il y a encore beaucoup de militaires présents dans les gouvernements franquistes. Par contre, après, ils vont s'éloigner, vont rester cantonnés à des postes ministériels. Il y a encore des militaires qui sont présents au sein du ministère de la Défense, évidemment, de tout ce qui relève à l'armée, la marine, etc. Par contre, de plus en plus de civils font partie des gouvernements franquistes. Et donc, la dictature franquiste n'est plus une dictature vraiment militaire à la fin des années 60, 60, début des années 70. Mais on est quand même très... Effectivement, lorsqu'on regarde ces images, passer cet aspect... théâtral, les costumes qui nous font penser à tout autre chose que ce qui est en train de se passer sous nos yeux, on est quand même saisi par la violence de voir des militaires entrer dans une assemblée élective. Violence et surprise aussi, parce que c'est vrai que, alors il y a eu quelques tentatives de déstabilisation de la démocratie, l'opération Galaxie, on y reviendra peut-être en 78, mais c'est vrai là, que... Oui, là, quand même, pour rappel, ça fait 6 ans que Franco est mort. Ça fait 6 ans que Franco est mort, ça fait 6 ans que la transition est finalement achevée, hein, puisqu'en 78... Il y a une nouvelle constitution. Il y a la constitution. Il y a eu avec élections. Participation de toutes les forces politiques, y compris même un membre du Parti communiste. Y compris le Parti communiste qui a été légalisé. Donc la transition, finalement, stricto sensu, elle est achevée, elle est terminée. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a une petite partie de l'armée, c'est pas toute l'armée non plus, hein, qui est hostile à ce processus, qui est très anticommuniste, qui n'apprécie pas non plus l'évolution du statut d'autonomie, des autonomies de l'Espagne vers une sorte de fédéralisme sans le nom. Et donc, ces militaires vont en effet faire irruption dans cet hémicycle, et c'est vrai que les coups de feu, tout ça nous rappelle un petit peu le temps du chaos de l'armée. Alors, Sophie Babi, vous avez fait votre thèse justement sur ce que vous avez appelé le mythe de la transition pacifique, violence et politique en Espagne, et vous insistez beaucoup dans votre thèse, c'est le cœur de votre thèse, même sur cette idée qu'entre 1975 et 1982, donc l'année d'après cette tentative de coup d'État de 1981, eh bien, cette Espagne n'est pas tranquille, contrairement à ce qu'on l'a dit, n'est pas pacifique, contrairement à ce qu'on a dit, qu'il y a un peu plus de 700 morts, je crois, 714 morts qui sont... qu'on peut dénombrer, morts donc de morts violentes dans cette Espagne supposée en transition démocratique, et que cette question de la violence est une question centrale à la fois dans l'histoire politique espagnole, comme l'a dit avant vous Mathieu Trouvé, mais en particulier dans ce moment qui se veut un moment relativement pacifié. Oui, alors si on me permettait juste de revenir sur ces images du coup d'État, parce que effectivement, tout le monde se souvient de ces images, y compris les publics français, et il me semble que ces images ont transformé ce coup d'État, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début, en spectacle. Mmh. Mais d'ailleurs, comment ont-elles été reçues lorsqu'on les a vues immédiatement, parce que donc elles passent immédiatement à la télévision. Alors, le public espagnol les découvre très vite. Quel effet ont-elles? Alors, ce qui est très intéressant... Enfin, dans les jours qui suivent, oui, en tout cas. C'est que beaucoup d'Espagnols ont l'impression, on se souvient d'avoir vu ces images en direct. On a vu ces images en direct, c'est faux. Elles sont passées le lendemain midi après la libération des otages. Donc, il y a eu 24 heures de différé. Bon, mais il y a quand même cette impression d'avoir vu cette image en direct parce que c'est la première fois qu'un coup d'État est filmé en direct. Mm-hmm. Et avec en plus tout ce qu'il comporte donc de fictionnel, de théâtral, avec ce personnage Tejero, on l'a dit, totalement guignolesque, et qui fait dire à tout le monde que c'est un coup d'État d'opérette, après coup. Notamment parce que ce coup d'État a échoué, qu'il n'a duré que 24 heures, et que tout finalement s'est terminé sans bain de sang, sans aucun souci. Et en France, on se souvient aussi de ça. Tout le monde, en tout cas les personnes qui ont pu voir ces images, vous disent « oui, c'était un petit coup d'État d'opérette, de rien du tout ». Pas du tout. Pas du tout. La fusillade nous rappelle d'ailleurs, celle qu'on entend dans les archives qu'on a entendu au début, il tire au plafond pour obliger les députés à se coucher pour leur faire comprendre que c'est un vrai coup d'État et qu'il ne s'agit pas de rigoler et d'être un guignol. Bon. C'est que cette violence, donc, pour revenir à la question de la violence, est latente pendant toute la période de la transition. Mathieu Trouvier vient de le préciser, même si la dictature franquiste n'est plus une dictature strictement militaire à la fin du régime, les militaires ont quand même un poids politique encore important à la fin du régime, au début de la transition. Ils sont présents au Cortés, ils sont présents dans toutes les institutions importantes du royaume, ils détiennent effectivement les rênes de tous les ministères de l'air, de la marine et de l'armée de terre. Et ils ont, ils détiennent aussi des organes de presse qui sont quasiment les seuls qui sont lus dans les casernes. Et ils détiennent aussi le contrôle, donc non seulement de l'armée, mais des forces de police. C'est-à-dire la police et la garde civile. Donc, toute la force physique, si vous voulez, est détenue par l'armée. La violence légale de l'État. Exactement, toute la violence légale de l'État. Et puis par ailleurs, on s'attend aussi, c'est un moment où le nationalisme basque est extrêmement actif, d'ailleurs on entendait dans l'archive de la télévision, la toute première, qu'on s'attend, a priori, lorsqu'il y a une attaque de ce type, on s'attend à ce que ce soit les Basques qui attaquent à ce moment-là. Alors effectivement, pour revenir à la violence donc contestataire qui se dresse contre ce processus de réforme et qui est présente dès les années 1975-1976 de la part à la fois de l'extrême droite qui voudrait maintenir le régime franquiste, de la part de l'extrême gauche révolutionnaire qui fait des espèces de tentatives de guérilla pour pousser à un régime le plus révolutionnaire possible, et puis de la part des nationalismes périphériques, qu'on les appelle comme ça à l'époque, qui sont à la fois le TA, bien sûr, mais il y a aussi des violences canariennes, par exemple, qu'on connaît moins bien, mais qui font moins de victimes. Et effectivement, le TA monte en puissance tout au cours de la transition. Le TA est né pour lutter contre la tyrannie franquiste, mais en fait, elle s'est épanouie dans la transition pour réclamer l'autonomie puis l'indépendance du Pays Basque. Et donc la violence ne disparaît pas dans ces moments-là, justement. Exactement. Au contraire, ce qui est paradoxal, c'est que la violence meurtrière ne fait qu'augmenter une fois la Constitution votée. C'est-à-dire qu'au début, on a une violence très présente, très latente, anarchique, chaotique, dans les rues, etc., mais finalement peu meurtrière, et elle se transforme en une violence terroriste spécialisé. À partir de 78 ? À partir de 1979 surtout, parce que la Constitution est adoptée en décembre 78, donc c'est surtout à partir de 79, de la part essentiellement de trois groupes terroristes. Mais alors on fait mine de ne pas avoir cette violence ? Pas du tout, on commence à l'apercevoir, mais seulement à partir de 79-80. Donc il y a des premières mesures antiterroristes qui sont prises à partir de ce moment-là. Non, elle est très présente, le gouvernement s'efforce de lutter contre. Mais comment dire, le TA bénéficie encore du soutien non vraiment dit, mais voilà, existe. D'une partie de l'opinion. Voilà. Et de gauche en particulier. Il bénéficie encore de l'aura des héros de la résistance au franquisme. Et en 1981, donc c'est l'année de l'apogée, de l'acmé du terrorisme basque. Et peut-être 150 morts dans l'année. Peut-être qu'on peut justement faire un point en passant par un biais biographique. Ce Tejero, donc qui dirige ce coup d'État, qui est-il finalement, Sophie Babi? Alors, Tejero, c'est un lieutenant-colonel de la garde civile, donc qui a fait une carrière classique dans la garde civile depuis la fin du franquisme, qui a continué à monter les échelons pendant la transition, mais qui, dès 1976-77, est sanctionné régulièrement pour des actes d'indiscipline. Il est mis aux arrêts plusieurs fois, notamment lors de cette tentative déjouée par les services secrets espagnols de coup d'État dont a déjà parlé Mathieu Trouvé, l'opération Galaxy, en 78, dont il était déjà le protagoniste principal. Mais par exemple, il avait déjà été même condamné à faire de la prison. Hein. Voilà, c'est ça. Il, à chaque fois, il est mis aux arrêts pendant plusieurs mois. Donc, et remis en service malgré tout. Remis en service sans plus de sanctions. C'est là l'une des caractéristiques du gouvernement de la transition, c'est qu'ils connaissent le risque putschiste. Donc à la fois, ils essayent de ménager l'armée, c'est-à-dire en ne sanctionnant pas de façon trop forte, trop dure les actes d'indiscipline. Et d'un autre côté, il y a une politique de mise à l'écart des généraux les plus récalcitrants et les plus rétifs au changement. Alors Mathieu Trouvé, vous qui avez travaillé sur cette question, en particulier au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle des pronunciamientos militaires, comme disait le général de Gaulle en 1961, en faisant une sorte de spécialité, pourrait-on dire, espagnole, quel est le regard que porte la population espagnole sur son armée à ce moment de 1981? Est-ce qu'elle est considérée comme garante des institutions? Est-ce qu'elle est considérée comme menaçante? Est-ce que, selon qu'on est de gauche ou de droite, cette armée a encore bonne presse ou pas du tout? Alors l'armée a été un des piliers du régime franquiste. L'armée, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a, en même temps où on parle des discussions, des pourparlers pour que l'Espagne entre dans l'OTAN, et donc pour que, on va dire, il y ait une évolution vers une sorte de normalisation de l'armée. La société, dans son ensemble, a évidemment le souvenir d'une armée très présente depuis les années 30, sans faire référence évidemment au pronunciamiento du 19e siècle, mais il y a c'est sûr une crainte des casernes. Mais aussi cette idée que l'armée est aussi garante d'une certaine patriotisme espagnol, parce qu'il a s'est forgé, dites-vous, dans le combat contre les troupes napoléoniennes au tout début du 19e siècle. C'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs la réalité du pouvoir passe aux mains de l'armée au 19e siècle, à la suite notamment de l'épisode napoléonien. Mais pour en revenir à la période un peu plus contemporaine, c'est vrai que cette armée, elle est garante de l'ordre. Elle fait figure de institution qui est chargée, comme le disait Sophie aussi Babi à l'instant, de tout un tas de non seulement des opérations militaires stricto sensu, mais également de maintenir l'ordre à l'intérieur de l'État. Donc une armée qui finalement est dans une position aussi ambiguë, parce que comme je le disais, il y a une petite partie aussi de l'armée, de certains militaires qui est plutôt progressiste. À la fin des années 70, il y a un petit groupe qui s'est... C'est pas Lisbonne 74. Non, c'est pas, on est loin des capitaines d'avril, mais c'est une armée qui doit se repenser, voilà, à ce moment de transition. Tout à fait. L'armée doit se réorganiser. Il y a des lois qui sont adoptées pour réorganiser l'armée. Il y a, comme je le disais, cette volonté de faire entrer l'Espagne dans l'OTAN, de normaliser un petit peu cette situation. Mais l'armée est encore, comme on l'a dit, un élément à part quand même, hein, qui est surtout un organe aussi de maintien de l'ordre. Sophie Babi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que les gouvernants sont, comme tout le monde, tous les Espagnols sont conscients de ce risque putschiste, mais en même temps, le minimisent considérablement. C'est-à-dire que je me souviens d'une phrase d'un ministre de la Justice de Suárez qui me disait, donc qui a géré pendant 4 ans un peu cette relation avec les militaires, et qui me disait, oui, certes, les risques existaient, mais il fallait avoir l'habileté ou la capacité suffisante pour savoir les combattre ou les repousser, et personnellement, j'ai géré tout ça comme un gant. C'est-à-dire, minimiser même après coup ce coup d'État qui n'avait pas vraiment... Minimiser ou y être habitué finalement? Non, parce que le coup d'État était réel. Mais je pense quand même minimiser un peu le risque d'intervention des militaires, mais qui est aussi, comment dire, avoir conscience que les militaires ne sont pas si puissants que ça dans les années 1979-80. Et alors, ça, je voulais revenir aussi sur le cœur du coup d'État. C'est-à-dire qu'on se souvient que de Tejero. Dans l'archive que vous avez citée, on ne parle que de Terrero. Les autres noms sont complètement en plus écorchés. C'est-à-dire, on parle du général Bosch et pas Milan Stelbosch, du général Milardo et pas Gutiérrez Mellado. Donc, il y a une méconnaissance un peu globale. Bon. Et le général Armada, par exemple, n'est jamais cité. Alors qu'il est celui qui, normalement... Dans l'entourage du roi. Qui est un proche du roi, qui est le précepteur du roi dans l'enfance de Juan Carlos, et qui est celui qui aurait dû arriver au Congrès pour prendre la direction du futur gouvernement de coalition nationale qui aurait dû être mise en place. Bon. Donc, au-delà de Tejero et des gardes civils, au-delà de quelques militaires radicaux, extrémistes, qui, oui, depuis le début de la transition, manigancent de ci, de là, pour essayer de voir quelle est leur marge de manœuvre pour revenir en arrière, il y avait en 80 un climat beaucoup plus global, favorable à un redressement de l'État, à ce qu'on appelait alors un espèce de coup de gouvernail à la De Gaulle en mai 58. Le référent, c'était De Gaulle, mai 58. Mathieu Trouvé. Le référent, c'était De Gaulle pour le général Armada, en effet. Et c'est vrai que Armada, dont on parle en effet pas beaucoup, lui, il va se proposer au cours du coup d'État pour essayer de faire une sorte de jouer jusqu'au bout, c'est-à-dire même contre Terrero, finalement. Oui, voilà, finalement, il revient dans les Cortés, il arrive en essayant de négocier, en se disant, voilà, je vais faire un peu comme De Gaulle en mai 58, arriver comme une sorte d'homme providentiel, de sauveur, et puis le roi va l'accepter, et finalement, Terrero refuse d'ailleurs cette situation. Lui... Ce que raconte bien d'ailleurs Javier Cercas dans l'anatomie d'un instant, c'est-à-dire c'est qu'en fait un coup d'État se imagine un avenir et qu'en fait tous les acteurs qui devraient rentrer dans ce scénario prévu à l'avance, puisqu'on parlait de scénario avec notre premier invité Andreas Fontana, eh bien en fait ces acteurs font autre chose que ce qui est prévu et au bout du compte ça donne une autre situation au bout du compte, Mathieu Trouvé. Oui, et puis alors ce dont on n'a pas parlé beaucoup aussi encore jusqu'à présent, c'est le roi. Il ne faut pas oublier que l'armée a... Le premier à ne pas faire ce qu'on attend de lui. Voilà, l'armée est officiellement dirigée par Juan Carlos aussi, puisqu'il est chef des armées selon la Constitution. Et donc les militaires se sont rangés derrière aussi le roi depuis 75, une grande partie d'entre eux ont accepté la transition parce qu'elle avait été, ne serait-ce que ça, dictée par Franco. Ils attendent, certains beaucoup d'ailleurs, attendent ce que va dire le roi. Et peut-être que, évidemment, là, c'est à ce moment-là que l'intervention du roi va être décisive. Et on disait tout à l'heure que ce qui n'a, peut-être, ce que dit le roi, parce que ça n'était pas traduit dans l'archive, qu'il appelle au respect de la Constitution et de la démocratie. Donc il ne suit absolument pas ces menées putschistes. Autant le coup d'État filmé n'a pas été vue en direct. Par contre, l'intervention du roi, elle, à 1h du matin, elle est en direct sur la radio-télévision espagnole. Sophie Bémy. Oui, donc en fait, le coup d'État échoue avant tout à cause du refus du roi d'y participer, parce que Tejero et ses gardes civils entrent dans l'hémicycle en disant « Nous sommes là au nom du roi ». Non. Voilà. Le roi refuse. Et le coup d'État échoue aussi parce que, comme vous l'avez dit, il y avait plusieurs visées putschistes. Les objectifs étaient différents. Tous n'avaient pas les mêmes objectifs. Ce qui montre bien aussi à quel point ce coup d'État n'est pas bien organisé et à quel point les complots qui existent de ci, de là ne sont pas unifiés ni homogènes et ne peuvent donc pas réussir. Les uns veulent une junte militaire du style 36, d'autres veulent juste un redressement autoritaire à la De Gaulle. Andreas Fontana, qui n'est pas historien, a-t-il dit, mais qui s'intéresse à l'histoire, comme on l'a bien compris. Non, je voulais m'intéresser plutôt à la question des images, puisque vous avez posé avant la question quelle était la réaction des Espagnols quand ils ont vu les images du coup d'État, donc le lendemain à midi. C'est vrai que dans mon enquête, je me suis rendu compte que si le coup d'État, bien sûr, a échoué, en revanche, l'effet des images, elles n'ont pas du, ça n'a pas du tout échoué, ces images, puisque en réalité, ce qui s'est produit, c'est un sentiment de forte honte, voire d'humiliation. En tout cas, c'est des témoignages que j'ai rencontrés plusieurs fois quand j'ai discuté avec ces gens. De honte vis-à-vis de quoi exactement ? De honte vis-à-vis de ce qu'ils voyaient sur le moment, d'une part, et d'autre part, je pense, mais ça, c'est une interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là ? Quelle est la question du geste ? Qu'est-ce qu'on aurait pu entreprendre? Et il se trouve qu'à ce moment-là, les gens ne sont pas sortis dans la rue à Madrid. Mmh. Et il y a quelque chose de compliqué à ce moment-là, je pense. Sophie Babi? Oui, rien ne s'est passé. C'est-à-dire que la société n'est pas sortie dans la rue. Tout le monde s'est terré chez soi à attendre de voir ce qui se passe. Donc la terreur a fonctionné. C'est la seule chose qui a fonctionné. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la société a peur de ce qui peut se passer, d'une éventuelle guerre civile. Pendant toute la transition, il y a une obsession d'une répétition de la guerre civile. Oui, qui inhibe les comportements. C'est d'ailleurs très intéressant qu'un des participants de cette guerre civile, Santiago Carrillo, justement lui-même, soit un de ceux qui soit un acteur, d'après Javier Cercas, important de ce moment au Cortés, puisqu'il, lui, ne se couche pas non plus, alors qu'il est secrétaire du Parti communiste espagnol. Mathieu Trouvé, il y a aussi une autre dimension, c'est que ce n'est pas, contrairement à ce que voulait Franco, un pays qui est clos sur lui-même. C'est un pays qui est ouvert, qui est en train de s'ouvrir, qui va devenir membre de la communauté européenne. Et ce pays-là, évidemment, comment, vous qui avez fait votre thèse sur l'Europe et le rapport de l'Europe à l'Espagne de ces années-là, comment cela est-il pris par l'Europe ? Alors, les réactions des chancelleries sont unanimes à condamner en Europe le coup d'État, du côté de la France, du côté de la Grande-Bretagne aussi, de Margaret Thatcher qui vient d'arriver au pouvoir à Londres, du côté de l'Allemagne. Le seul bémol, hein, c'est les États-Unis qui vont réagir assez tardivement. Ce sont les États-Unis et de Ronald Reagan qui vient d'arriver au pouvoir aussi. D'arriver au pouvoir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a peut-être plusieurs explications à cela. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, alors que pourtant le décalage horaire aurait permis une réaction assez rapide, on est encore dans une situation, 79, bon, 80, de guerre fraîche, et l'Afghanistan qui a été envahi par l'URSS, il y a la crainte d'une évolution vers le communisme de certains pays encore, il y a l'administration Reagan qui, comme vous l'avez dit, est plutôt républicaine et qui, évidemment, est très anticommuniste, il y a aussi des contacts qui avaient lieu entre les militaires et la CIA aussi, donc tout ça fait que, bon, les Américains vont un peu prendre leur temps avant de réagir, mais bon, ils vont le lendemain condamner, comme les autres chancelleries européennes, le coup d'État sans ambiguïté. Sophie Babi, ça pose une question, c'est celle que vous posez dans votre thèse sur la question de la violence légitime de l'État ou violence de la société, violence acceptée aussi. C'est très intéressant parce qu'on dit généralement que ce moment de la transition démocratique, et on a insisté là-dessus en vous donnant la parole tout à l'heure, est un moment relativement pacifique, mais on voit bien que quand on travaille en historien et en historienne sur cette question-là, on remet en cause des mémoires, et ces mémoires qui sont des mémoires qui disent, eh bien, regardez comment Santiago Carrillo et Adolfo Suárez se sont tendus la main, comment on a accepté ce pacte de silence pendant de nombreuses années sur la guerre civile en particulier, et l'arrivée de Franco au pouvoir, eh bien en fait c'est beaucoup plus complexe quand on regarde ce moment-là en historienne. Oui, non, c'est assez compliqué. Effectivement, aborder la question de la violence pendant la transition suppose d'aborder la question de la mémoire de la violence et des imaginaires de cette période-là. Ce qui est certain, c'est que il y a eu une volonté d'emblée de construire un processus pacifique. C'est-à-dire de construire un processus de réforme et non pas un processus révolutionnaire qui soit l'antithèse des années 30 et de la guerre civile qui avait suivi. Redémarrer la guerre civile. Et puis, ça, c'est certain. Et puis la démocratie était synonyme de paix. Voilà. Pour légitimer cette démocratie. Mais non, pas tout de suite. Ça qui était compliqué. Au contraire, la seule expérience démocratique qu'avait eu l'Espagne, c'était celle de la Seconde République des années 30, qui était assimilée au chaos et à l'anarchie. Donc oui, l'objectif numéro un était de faire de la démocratie le seul régime capable de garantir la paix et l'ordre public. Donc redorer le blason de Donc le maintien de l'ordre était nécessaire, vital pour légitimer la réforme démocratique. Mmh. Ce qui s'est fait, dit aujourd'hui, bon, avec raison, la gauche et l'extrême gauche, au prix de restrictions d'un certain nombre de libertés. Mais l'objectif numéro un, c'était le maintien de l'ordre avant même l'émancipation des libertés. On ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. En tout cas. Et donc c'est ce qu'ont essayé de faire les dirigeants de la transition. Mathieu Trouvé. Oui, non, sur la question de l'image aussi de l'Espagne, c'est vrai que les conséquences aussi du coup d'État sont très importantes parce que le fait que le roi interviennent. Le fait que les chancelleries aient réagi, le fait que les images aient été montrées et donnent en effet cette image d'un pays de en proie au chaos, à nouveau à la violence. Tout cela aussi, d'une certaine manière, a permis aussi de digérer cette violence et en même temps de l'évacuer quelque part. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'après 81, on a quelques tentatives. Quelques tentatives, mais elles sont très peu connues, très limitées. Il y a une tentative en 82, une en 85, mais finalement après cela, la violence n'est pas. On a purgé d'une certaine mais façon. Oui, d'une certaine manière, même si évidemment le théâtre va continuer à fonctionner. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une manière d'expiation aussi. Les militaires, voilà, ont fait ce qu'ils avaient à faire, d'une certaine manière, certains, et voilà, c'en est terminé. Sophie Babi. Oui, je pense que le 23F marque vraiment la fin du cycle des violences, à la fois de guerre civile, franquiste et transitionnelle. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'extrême droite, qui avait mis tous ses espoirs dans un soulèvement militaire, disparaît totalement. Vous dites qu'il y a une petite remontée en décembre 81. Oui, alors qui est conjoncturelle, qui est liée en fait à justement la glorification de Terrero, qui devient un martyr de la cause et qui sera puni de 30 ans de réclusion criminelle et qui a la peine maximale et qui fonde un petit parti qui se présente aux élections de 82, donc qui suscite un petit engouement, mais vraiment très temporaire. Oui, ensuite, le parti, le seul parti d'extrême droite qui existait, Fuerza Nueva, disparaît, s'autodissout en novembre 1982 et il n'y a plus d'extrême droite en Espagne aujourd'hui. Donc c'est vraiment la fin de ces tendances conspirationnelles et de l'existence d'une extrême droite. C'est aussi la fin de la violence de l'extrême gauche. L'ETA politico-militaire, c'est-à-dire une frange de l'ETA, annonce sa reddition après le 23F. Et seul persiste le cycle terroriste Etara, le cycle terroriste basque, qui est en fait indépendant du cycle transitionnel. Vous vouliez intervenir? Non, je voulais pas intervenir, je voulais juste dire par rapport aux images, justement, l'importance de ce coup d'État, mais aussi surtout des images qui en sont résultées. C'est, j'ai l'impression, en tout cas en travaillant là-dessus, c'est de voir comment elles ont servi par la suite à construire en fait toute cette histoire, cette question de la transition. Et je me suis aussi rendu compte personnellement que c'est aussi pour ça que je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus intime. Forcément, elles ont été travaillées de manière collective après coup pour construire justement ce récit de la transition. Et là-dedans, le roi ou les images du roi qui parle aux Espagnols tout à coup avec cette espèce de parole démocratique qui sort un peu de nulle part, ça a joué un grand rôle aussi dans la légitimation, je crois, du roi après coup. Le roi, il gagne sa légitimité. Sa légitimité, absolument. Merci à tous les trois. Merci à vous, Andreas Fontana, dont je rappelle que votre film Pedro M 1981 va être diffusé aux Ateliers Varan à Paris, c'est ça? Le 22 janvier, oui. Et ceux qui veulent le savoir exactement vont sur le site de France Culture, de la Fabrique de l'Histoire, et on aura toutes les liaisons avec ce... Et le 5 février, dans le 20e, à la librairie l'atelier. Voilà, et pour vous Mathieu Trouvé, on peut lire votre livre sur les rapports de l'Espagne à l'Europe publié chez Peter Lang, et quant à vous Sophie Babi, eh bien malheureusement votre livre, vous m'avez dit, il est déjà épuisé, de la transition pacifique. Oui, il est présent dans la bibliothèque. C'est ça, à la Casa de Velázquez, si on veut tout savoir sur la violence et la politique en Espagne entre 1975 et 1982. Merci à tous les trois. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Nous avions la chance d'avoir avec nous à la technique Clément Daté et à la réalisation Renaud Delmar. Si vous voulez écouter cette émission, vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours sur le site de France Culture. Vous pouvez la télécharger pendant un an après sa diffusion. Et vous pouvez également laisser vos commentaires sur nos pages, sur franceculture.fr, mais également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou nous suivre sur le réseau Twitter. Et puis merci à toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire qui a participé à ce formidable doublage agencé par Renaud Delmar et Anaïs Quin de votre film, Andreas Fontana.